Maintenant, on a notre petit moment du dimanche de la météo marine. Une exclusivité. Oui, voilà, on s'est dit que ce dimanche, ce dernier jour, on avait très envie de faire une météo marine parce qu'on adorait, je crois, beaucoup autour de cette table, les gens adoraient la météo marine de Marie-Pierre Planchon. Donc, c'est un petit hommage. Et moi, je propose une météo lacustre, donc la météo du lac. Donc, on trouve que ce nom n'est pas très, très beau. Donc, si vous avez aussi une proposition à nous faire pour la prochaine, on est preneurs pour trouver un titre à cette météo. Donc, météo pour la zone côtière du lac Léman de ce dimanche 10 avril. Pas d'avis de coup de vent. La fiabilité de la situation est évaluée à 90% avec des conditions favorables à la persistance de vent faible. Ciel clair ou peu nuageux. Soleil passagèrement voilé, pas de précipitation. Le soir, ciel peu nuageux devenant variable, vent d'est force 1 devenant est-nord-est force 2 en milieu de journée, puis nord-nord-est. Rafale atteignant 12 nœuds en milieu de journée à l'ouest de la zone, visibilité excellente. Concernant les éphémérides de ce jour, le soleil est apparu à 6h56 ce matin, il disparaîtra ce soir à 20h14. Dans la nuit de dimanche à lundi, vent de nord-nord-est force 2 en début de nuit devenant force 3, visibilité excellente. Pas d'avis de coup de vent. Conditions favorables à la persistance de vent faible. Demain, lundi 11 avril, le soleil apparaîtra à 6h54. La température de l'eau du lac sera autour de 9 degrés aujourd'hui et demain. Voilà, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. En deux mots, si on veut pouvoir rejoindre Nyon depuis Genève à la voile pour aller voir le documentaire de Clara Loin à 16h à Vision du Réel, il faut partir ce soir à peu près à 10h30 voilà, et sortir les rames. Merci beaucoup. Merci pour cette météo marino-lacustre. Alors là, on a le plaisir d'avoir Gwen Rouget ici avec nous pour ce petit moment de rendez-vous mystère. Bonjour Gwen. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Et vous? Ça va bien, comme tu vois dans nos visages. Hein. Heureusement, sympa ici. Heureusement, on fait la radio et pas la télé aujourd'hui. Donc toi aussi, tu as passé un bon moment à l'extérieur du festival, mais à l'intérieur de ta caravane. Oui, tout à fait. C'est ça. C'était quoi le principe de ton projet? Alors, caravane, c'est un projet dans une petite caravane avec un petit piano dedans. Et c'est une performance pour un seul ou une seule spectatrice ou un seul spectateur. Voilà, donc, qui dure une vingtaine de minutes. Et la caravane, elle est postée dans un square juste à côté de la maison communale. C'est ça, dans le jardin de la Villa Freundler. C'est ça. C'est juste ici derrière. Oui, tout à fait. Et tu auras encore aujourd'hui, la dernière journée, de midi à 19h, tu vas accueillir la spectatrice, oui, une à la fois. Tout à fait. Je vous propose d'écouter un tout petit peu de l'ambiance sonore. Tout à fait, comme ça on se met un peu dans l'ambiance. Voilà, exactement, que j'ai essayé de préparer hier soir. En fait, il guide l'écoute. Parce que comme c'est cette lenteur et en même temps cette assurance de la découverte, bon, ben, ça guide vraiment l'écoute, je le sens. Et moi, ça me guide aussi en fait d'être dans l'instant. Parce que quand j'enchaîne, par exemple, quand ça fait 5, 6, 7, 8, des fois c'est 15 fois par jour, lui, c'est la première fois et c'est maintenant. Il y a quelque chose de maintenant. Et cette musique, c'est ça dont il s'agit, et cette performance aussi, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Et on est dans l'immédiateté, mais on doit être tous dans l'immédiateté. Et donc du coup, bah, j'ai beaucoup de mal à les quitter quand c'est fini, puisque quand je les relâche quand même. Mais parce qu'en fait, c'est des vrais coéquipiers là pour le coup. Parce que je les regarde, au début, je sais pas si tu vois, ça commence, et je le regarde. Et moi, ça me... Tu vois, je me dis, ok, là maintenant, on est maintenant, avec le son qu'il y a maintenant, et je me dis, parce qu'il y a des moments... Des moments, ça peut être dur, tu vois, d'évoquer. Je me dis, ah là là, ils sont trop près, ou je peux anticiper. Et je me dis, c'est maintenant, et aucun son ne peut être perturbant, en fait. C'est un compositeur australien qui a écrit cette pièce en 2015. Et 2014-2015, je crois. Et qui avait écrit ça, en fait. C'est une commande d'un pianiste australien aussi. Et donc, une pièce que moi ensuite, quand j'ai voulu faire cette performance, j'ai décidé de jouer dans la caravane. À la base, c'est une pièce qui est écrite pour le concert, pour la salle de concert. La concentration, elle est quand même très liée au son. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment lié quand même à une pratique musicale, une pratique sonore, tu vois. C'est vraiment une pièce qui a été écrite pour pianiste, quoi. Et pour piano, du coup, avec des sons... Charlie est aussi un pianiste à la base. Ce qu'il m'a confié, c'était que c'était un au revoir au piano, un peu, parce que lui, il commençait vraiment à être compositeur et de plus en plus, il pouvait difficilement faire les deux. Donc c'est une façon, c'est pour ça que ça finit dramatiquement. Donc c'est vraiment une pièce pour piano, ouais. Bonjour, bienvenue. Alors, je prends... Non, ça va? Voilà, un petit manteau. Je t'en prie, si tu veux t'asseoir. Donc on va être... tu es toi et... en fait, on est trois. C'est pas tout seul. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Alors, bienvenue dans Caravane. Je vais commencer par te lire un texte. Donc c'est l'idée de toutes sortes d'indications. Si le son que vous venez de faire est plus doux... C'est-à-dire que si on entend le son doux, il faut ralentir. Le son plus fort, on accélère. Si les mains se rencontrent, comparez le volume sonore de chaque main. Si le volume sonore est différent, la main qui a joué le plus doucement va dans la même direction que celle qui a joué le plus fort, par exemple. Bah parce que en fait, je pense que c'est d'ailleurs aussi ça l'idée d'un spectateur ou une spectatrice, c'est que on s'attend tous forcément à un truc, tous, c'est normal. Et le fait d'être face à quelque chose de différent ou quelque chose dont tu sais pas trop ce qui va se, enfin voilà, d'être un peu face à l'inconnu, ben ça t'oblige à un peu à aller gentiment, hein, mais ça t'oblige un peu à aller chercher dans ta créativité ou je sais pas, inventer un truc, inventer autre chose. Et là, c'est génial parce que souvent, t'as pas pu réfléchir trop. Et du coup, c'est spontané ce qui t'amène quand tu es face à la chose spontanément. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez extraordinaire aussi parce que je suis finalement la seule témoin de cette diversité des réactions et qui est difficilement. C'est difficile de laisser une trace de ça. Et j'ai jamais vraiment... Parce que des fois, j'ai noté des choses, parce que ça fait 6 ans que je fais ça, et c'est absolument dingue. Parce que ça parle d'être humain, quoi. Merci Rudy pour ce petit documentaire sur la création de Gwen Rouget. Et alors moi, d'un coup, c'est peut-être une question finalement qui est à Rudy et pas à Gwen, je sais pas. C'est que moi je m'attendais à ce qu'on entende du piano et finalement on n'entend pas de piano. Et pourquoi ce choix ? Le documentaire, c'est d'ailleurs pas vraiment un documentaire, c'est une mise en bouche. Moi j'avais envie de présenter tout le contexte et l'arrivée, si tu veux, dans cette caravane, et aussi la situation dans la caravane, comme on l'a juste entendu maintenant. C'est un moment en fait d'écoute très intense, puisqu'on est dans un endroit, une situation inhabituelle pour écouter du piano. Donc c'est surtout ça qui m'a importé. Et puis le reste, c'est à découvrir par les personnes qui vont à la performance, peut-être cet après-midi. Je crois qu'il reste encore des possibilités. Voilà, donc c'est un peu le choix de ne pas tout dévoiler, puisque c'est aussi un peu le désir, je crois, de Gwen, de garder l'expérience aussi authentique que possible. Enfin, je ne sais pas, peut-être tu en parles. Oui, c'est ce que tu dis un peu dans l'extrait, c'est cet état d'étonnement et peut-être spontanément d'avoir à réagir spontanément vis-à-vis de quelque chose dont on ne s'attend pas. Donc effectivement, j'essaie de garder un peu le mystère aussi. voilà. D'ailleurs, par rapport au mystère, tu voulais préciser quand même que... Non, parce qu'au début, de la chose que tu as faite, là, je parle en disant que je les observe, qu'ils m'inspirent, etc. Mais en l'occurrence, il y a un invité aussi. En fait, on est trois. et voilà, donc du coup, je suis un peu, je ne sais pas si je le révèle ou pas, mais c'est, je parlais de ça, en fait. Je parlais d'un petit animal qui nous aide à nous concentrer et à ralentir notre perception. Voilà. Moi, je me demandais comment. Enfin, du coup, si tu peux parler aussi de cette situation de la caravane, même si on en a pas mal parlé les deux, mais oui. Qu'est-ce que ça apporte justement d'être en dehors du festival et en dehors des lieux comme ça de concerts habituels ? Il y a un déplacement, donc c'est aussi un peu symbolique. Rien que le petit chemin depuis la maison communale jusqu'à la caravane, c'est toi qui disais ça hier. Faire quelque chose hors site et où on se retrouve dans un contexte différent. Et du coup, un peu ce déplacement-là, pour le spectateur ou la spectatrice, pour moi aussi, amène à une invention, quoi. Voilà, à d'autres, peut-être d'autres actions, à enlever les a priori. Voilà, ce petit déplacement qui fait que ça perturbe un peu nos habitudes. C'est un peu l'idée aussi. Peut-être que ça transparaît aussi dans notre vie après. On se dit, ah là, c'est par habitude que je fais ça. Tiens, est-ce que je pourrais changer ma façon de faire ou si je voyais les choses un peu différemment. Et puis, ce que je te disais aussi hier, c'est cette idée de remettre le spectateur ou la spectatrice dans la musique contemporaine. Ça, pour moi, c'est super important parce que, ouais. C'est aussi un sujet d'ailleurs du festival, je pense, le rituel. Hein. Dans le rituel, on se dit jamais qu'on ne fait pas partie de la chose. On est dedans, même si on n'est pas la personne qui fait la cérémonie, par exemple. Mais il y a cette idée de faire partie. On est un groupe, on fait partie de la chose. Et voilà, donc la caravane. Et puis je fais aussi un autre projet aussi qui s'appelle Tente de chantier, qui est toujours une performance pour un spectateur et une spectatrice, dans des lieux un peu symboliques comme ça, un peu autres. C'est une façon de remettre vraiment... une place, quoi, de réinterroger cette place du spectateur ou de la spectatrice dans l'œuvre, quoi. Voilà, parce que cette histoire d'œuvre absolue, il y a certainement plein de raisons complexes et subtiles, mais c'est vrai qu'en musique, il y a cette notion d'œuvre absolue qui fonctionnerait sans les spectateurs, quoi, les spectatrices, c'est-à-dire cette œuvre, elle existe, elle est dans un tiroir, mais elle est là et elle a cette valeur. Et pour moi, ce projet-là, c'est vraiment, de ne pas le détacher. De ne pas le détacher des gens qui le vivent. Et que ce qui fait la valeur de la chose, c'est la réunion, c'est le rendez-vous. C'est le moment. C'est le moment de l'art et non pas une œuvre absolue qui existerait en tant que telle. Et ce projet, comment il est né ? Est-ce que c'est une commande du Festival Archipel ou est-ce que c'est quelque chose qui préexistait et ils sont venus te chercher pour t'inviter justement et puis pour donner un peu cet élan vers l'extérieur. Alors oui, c'est un projet que j'ai créé en 2017. Donc ça fait un moment. Et d'ailleurs, je le tourne. J'ai été au Danemark, en Pologne. J'ai pas mal voyagé avec. Et ça, c'est génial aussi, évidemment, parce que ça fait de rencontrer des gens à chaque fois. Une temporalité différente. Je reste longtemps aussi. C'est vraiment autre chose. Et donc, ça m'est venu, du coup, par cette envie-là, hein, de se placer différemment. Et puis, et ben en fait aussi, c'est ce que c'est que l'interprétation, c'est-à-dire un peu à la façon d'un metteur en scène qui va prendre... C'est pareil, ça c'est quelque chose qui est difficile en musique écrite contemporaine aussi, d'avoir une lecture, c'est-à-dire d'une interprétation, de prendre un texte, comme un metteur en scène va prendre un texte et va décider de couper dedans, ou en tout cas donner sa vision, sa lecture. Ben moi, l'interprétation, c'était bien sûr jouer la pièce de Charlie Strohlig, mais aussi donner ma lecture, finalement, par ce contexte d'écoute, ce contexte de représentation différent, qui est la caravane, finalement, donner ce qui... guider le spectateur ou la spectatrice là où, il me paraît, où la pièce me paraît la plus intéressante. Enfin, voilà, ma vision de ce qui me... Et en l'occurrence, pour cette pièce, c'est vraiment cette intimité-là. Cette humilité, cette fragilité, cette vulnérabilité aussi qui est contenue dedans, qui moi m'a énormément touchée et que j'ai pas réussi à transmettre en salle de concert, quoi. Donc du coup, ça serait ça aussi l'interprétation, ça pourrait être ça aussi. Et du coup, je tiens à saluer aussi, c'est vrai que dans cette démarche, et ben le compositeur aussi, donc Charlie Strohlig dans cette performance, est aussi lui ouvert à ce que j'amène d'autres choses, parce qu'en fait, en l'occurrence là, puisque c'est dans l'espace public, il y a tous les sons de l'extérieur. D'ailleurs, le spectateur ou la spectatrice finalement fait son propre mixage. Et c'est là aussi que c'est important pour moi, c'est-à-dire sa part de créativité aussi. Donc le ramener, comme je disais tout à l'heure, actif, dans une perception active et agissante, quoi. Charlie, lui, il a été ouvert à ça, que effectivement, tout d'un coup, sa pièce bouge, que ce soit pas exactement comme il l'avait conçu à la base, avec un son, avec des micros, quelque chose de très fin, où il y a du silence autour. Là, il y a la vie qui surgit sans arrêt, parfois d'ailleurs assez violemment. Voilà. J'ai un peu extrapolé, mais... toujours donc, la composition de Charlie, c'est ça Dans cette performance-là, oui. Dans la caravane. Donc, ça, oui, alors... Depuis le début, toi. Oui, depuis cette... Alors en fait, là, il y a eu aussi un peu un report à cause du Covid. Du coup, je devais jouer l'année dernière, mais... Je fais d'autres performances maintenant, mais celle-ci, c'est une performance vraiment conçue autour de cette pièce. Mais ce contexte d'un spectateur, d'une spectatrice dans un lieu comme ça, ça, c'est quelque chose que je développe aussi sur d'autres choses. Mais dans cette performance-là, qui s'appelle Caravane, c'est ça. Et du coup, donc, comme tu dis, tu es toujours installé à... dans l'espace public, donc la perméabilité avec la ville, le quotidien, comme tu parles du son de tous les jours qui se mélange avec le piano qui est joué, qui est très différent de la salle de concert qui est aseptisée. Donc il y a aussi une certaine idée du hasard ou de la chance dans le niveau musical, donc dans les compositions qui peuvent surgir avec le bruit de la ville. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi des fois des moments où des gens ils arrivent par tout hasard à côté de la caravane et se disent qu'est-ce qui se passe ici, ils toquent à la porte et qu'ils ne savent pas que ça fait par exemple ici à Genève, fait partie du festival Archipel et qui se posent en question et puis qui du coup il y a un peu ces rencontres hasardeuses. Alors en fait cette performance elle fonctionne quand même par rendez-vous, donc tu prends ton rendez-vous. Et du coup, ça m'arrive souvent qu'il y ait des gens qui voient la caravane et puis qui se disent « tiens, qu'est-ce que c'est ?» ou des gens du coin. Ou alors en amont aussi, ça m'est arrivé aussi que le festival ou que moi, qu'on aille vers les gens, là où on est placé la caravane, qu'on aille prendre contact en amont pour expliquer et pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Donc ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais pas toquer directement. En fait, c'est plus ça. Il y a un petit système quand même de rendez-vous. Voilà, il faut prendre son rendez-vous. Mais c'est l'idée, ouais, c'est tout à fait l'idée. C'est l'idée d'apporter, un peu comme je disais tout à l'heure quand je parlais des habitudes, et aussi du spectateur ou de la spectatrice qui est remis dans la musique contemporaine. Là, c'est aussi la ville aléatoire qui est remis dans la musique contemporaine, parce que je crois qu'elle en a besoin aussi. Super. J'ai une petite question, même si on est en retard déjà de 2 minutes. Mais, oui, est-ce que du coup, il y a cette proximité, cette grande proximité avec le spectacle de la spectatrice. Est-ce que ça te manque quand tu te retrouves dans des situations de concert ou tu vois, de jeu plus public comme ça? Parce qu'en fait, c'est quand même une situation particulière et que j'ai l'impression que tu apprécies. Bah oui. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée, je vais y réfléchir. D'accord. Non, non, mais c'est un mouvement, tout à fait. Donc, je ne sais pas où ça va mener, mais effectivement, c'est de plus en plus... C'est une qualité de rencontre qui est telle que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je pense que oui, en effet, ça va aller de plus en plus vers ça, de toute façon. Ouais. Et puis, bien sûr, on aurait voulu que tu nous racontes un petit peu quels sont les échanges... énergique, énergétique, enfin le rapport que ça crée, mais bon voilà, c'est un peu infini. On a discuté longtemps hier. Bah, ça sera dans la suite de ton documentaire qu'on réécoutera prochainement sur toutes les radios. Et sinon, bah, encore une fois, il faut prendre rendez-vous et tout simplement le vivre, marcher jusqu'à la caravane et le vivre. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci Gwen, hein. Merci d'être venue. Alors, bon matin. Bonne chance pour cet après-midi parce que c'est la dernière possibilité pour les auditeurs ou les spectatrices et spectateurs de venir de Genève, oui, ouais. Tout à fait, de t'écouter, d'échanger avec toi de ce moment intime entre midi et 19h, donc dans le jardin de la Villa Freundler. Je crois qu'il faut réserver en ligne, c'est ouais, ça tout hein, à oui. fait. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.